club. Tu m'as l'air d'être une jolie garce, ouais. Je vais te consommer plus tard, alors faites-moi un doggy bag. J'ai la support de Stallone dans Rocky 4. Tu peux t'inspirer, ouais. Y'a R, gros, mais ne me fais pas croire que tu copies A. Tu parles beaucoup, tu vas finir dans le cop du golf 7. Arrête de faire du drama, t'es pas Cardi B et ton mec, c'est pas Offset. Nah. Moi, j'suis Offset, Vicarelle en rêve. Ramène tes copines à la table, elles finiront carrément raide. Ouais. Ma folie s'explique, ah, je vois rouge comme pendant contrôle d'identité que le flic frappe. Le droit chemin est toujours en zigzag. Ouais, l'horloge fait tic-tac. On vient de faire cric-crac. Quand je m'endors, elle kiffe jouer au morceau sur mon six-pack. Je reçois trop de sottises, ouais. Tu désactives les notifs. Ouais. Dans tes clips, tu fais le dur dans la vie, t'es trop émotif. Ouais. Tu voulais la bagarre, on t'a touché, puis t'as toussé. T'as divisé dans mon check, mais voilà, on sait pas où c'est. R2 Billet, je fais pas du peur à pour les clicos. Internet a donné une seconde vie à ces fils de picos. Hamdoula dans la vraie vie, j'ai jamais vu un tweetos. Et je m'en bats vraiment les clés, oui, de recevoir un prix de Nikos. Poto, le compte est plein, y'a que chez vous que leur presse. Les rappeurs se font racketter par les grands de leurs checks. T'endoses bien ton rôle, mais on sera jamais dupe, quoi qu'il. Tu fais du rap de grossiste, mais t'as jamais vu trois kills. Tu viens à peine de ses pairs, on va décourter le kiff. La nature de l'être humain ne fait que pousser le vice. Et combien d'entre vont vraiment écouter le 10? L'avance est tombée, donc je vais débourser le pif. Y'a que quand vous faites le signe joule que vous vous serrez les coudes. Fils de pute, tu sers à rien comme vidéo de première écoute. On est venu niquer des madres, salut c'est nous. T'as vu ma tête sur Allociné et tu trouves ça hallucinant. J'ai le style de Michael dans l'intro de Thriller. Dans leur daronne j'ai fait une entrée de winner. J'arrive en Y, ma gueule, j'suis sur le wheeler. Ouais, Roya, j'suis connu depuis que j'suis mineur. Ils ont pompé tous nos gimmicks, tous nos codes. J'suis mon propre patron, j'serai jamais sous vos ordres. Y'a qu'envers le tout puissant que j'ai de la gratitude. J'suis sur nouveau mood, nouvelle attitude, nouveau mode.